Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Radio Fadjet. Eh bien, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui, si nous ouvrions l'émission avec un peu de Carl Philipp Emanuel Bach. Alors, on va écouter une pièce pour piano, enfin, qui a été certainement au départ composée pour clavecin. C'est une pièce assez courte, on l'écoute, et puis ensuite, on reparle de Carl Philipp Emanuel Bach. Voici Solfeggietto. Solfeggietto de Carl Philipp Emanuel Bach, interprété par Corinna Simon. Et si vous allez sur YouTube, vous trouverez une version rock particulièrement déjantée de ce Solfeggietto. Alors Carl Philipp Emanuel Bach, il est né en 1714, il est mort en 1788. C'était le deuxième fils de Jean-Sébastien. Et c'est pour moi, je pense, le fils de Bach qui a eu la carrière musicale la plus riche, la plus accomplie. Alors, il a passé 28 ans au service de Frédéric II le Grand, où il n'a pas forcément été reconnu à sa juste valeur. Il était moins rémunéré que Quantz, par exemple, autre compositeur, qui, lui, était flûtiste, écrivait des concertos pour flûte, des sonates pour son maître Frédéric II, qui était un virtuose de cet instrument. Alors, Carl Philipp Emanuel, virtuose du clavecin, a tout de même aussi composé pour la flûte, mais bon, il était quand même considéré comme un musicien moins important à la cour. À l'issue de ce séjour donc très long à Sans Souci, le château de Potsdam, le château de Frédéric II, eh bien Carl Philipp Emanuel Bach a pris la succession de Telemann à Hambourg, Telemann qui était son parrain, et là eh bien, il a fait vivre la vie musicale hambourgeoise dans la continuité de ce qu'avait déjà mis en place Telemann, c'est-à-dire une vie musicale très riche avec de l'opéra, avec des concerts symphoniques, enfin symphoniques instrumentaux à l'époque, il faut plutôt parler de concerts instrumentaux, et puis donc des rencontres littéraires, enfin une vie intellectuelle très très riche. Voici un concerto pour clavecin, cordes et basse continue de Carl Philipp Emanuel Bach, on va l'écouter interprété au clavecin par Raphaël Alpermann et l'ensemble Akademie für Alte Musik Berlin. L'entoure. Thank you. Allegro assez du concerto pour clavecin, cordes et basses continues, Voetkeijn 20 de Carl-Philipp Emanuel Bach, interprété au clavecin par Raphaël Alpermann et l'Académie für Alte Musik Berlin. Alors Voetkeijn, c'est le musicologue qui a classé les œuvres de Carl-Philipp Emanuel. Et on continue avec Haydn. Bon, on ne va pas tellement s'éloigner finalement de Carl-Philipp Emanuel Bach parce qu'ils sont contemporains. Et Haydn, il a composé une bonne quinzaine d'opéras. On peut dire que, oui, la plupart sont parvenus jusqu'à nous, mais il y en a quand même quelques-uns qui ont disparu définitivement lors de l'incendie du château du prince Esterhazy, auquel donc Haydn était attaché. Ce sont des opéras magnifiques, il faut le dire, avec des livrets souvent bien ficelés, qui sont presque du niveau de ceux de Mozart. D'ailleurs, Goldoni a souvent travaillé avec Haydn. Et une musique très élaborée, d'une grande hauteur d'inspiration. Et pourtant, ce sont des ouvrages qui sont très, très peu montés. Un peu plus, évidemment, ces dernières décennies, mais quand même, beaucoup restent dans l'ombre. Et ils ont été enregistrés, pour la plupart, par Antal Dorati, chef d'orchestre d'origine hongroise, qui avait entrepris un cycle Haydn, avec toutes les symphonies et les opéras. Mais bon, là encore, c'est un projet discographique qui n'a pas tellement bien fonctionné. Ça ne s'est pas très bien vendu. comme d'ailleurs les disques Haydn se vendent pas bien, ce qui est assez curieux parce que c'est un compositeur qui est très très apprécié des mélomanes éclairés, des musiciens, et puis finalement eh bien, le grand public le connaît assez mal. On va écouter un air tiré de son opéra Il Mondo della Luna sur un livret de Goldoni. On va écouter un air chanté par Patricia Petitbon. Elle est entourée du concerto Köln que dirige Daniel Harding. Oh, my God. Discothèque classique, votre rendez-vous classique sur Radio Fadjet, les samedis et dimanches de 11h à midi, c'était un air tiré de l'opéra de Haydn, Il Mondo della Luna, opéra de 1777, l'air de Flaminia au premier acte, et on a entendu la belle voix de Patricia Petitbon, elle était entourée du concerto Köln. Un peu de piano maintenant avec Schubert, Schubert et sa fantaisie en ut majeur. Deutsch 760, Wanderer Fantasy. Wanderer, bah, c'est le voyageur. Évidemment, avec Schubert, il ne s'agit pas d'un voyageur qui se trimballe avec des valises. Non, non, c'est le voyageur. Ce sont les âmes, évidemment, qui voyagent à travers la vie, quoi, quelque part, et qui rêvent, qui se nourrissent de poésie. C'est ça, le voyage de chez Schubert. Et c'est une œuvre qui est importante dans son corpus, parce que c'est la seule, pratiquement, qui a été éditée de son vivant. Et c'est une œuvre finalement qui a tout d'une sonate hein, déguisée, mais nommée fantaisie. C'est une œuvre particulièrement difficile pour les interprètes et qui nécessite vraiment une technique incroyable. On va s'en rendre compte avec le mouvement final, interprété par celui qui est considéré unanimement, je pense, comme l'un des plus grands pianistes de notre époque. C'est Alexandre Kantorov, qui est encore bien jeune, que nous avons déjà eu l'occasion d'applaudir à Nancy dans le cadre des concerts de l'Association Lorraine de Musique de Chambre, et j'espère qu'il reviendra bientôt d'ailleurs, et Alexandre Kantorov qui a enregistré une magnifique interprétation de cette Wanderer Fantasy de Franz Schubert. Magnifique Alexandre Kantorov, il en a dans les doigts hein, quand même pour sortir une telle musique avec une telle force, une telle fougue, une telle virtuosité. J'aime beaucoup, c'était la conclusion de la Wanderer Fantasy de Franz Schubert. Et on continue avec un peu de Gustav Mahler. Gustav Mahler, né en 1860, mort en 1911, qui avait une activité incessante. Mahler, il n'avait pas beaucoup le temps de composer parce qu'il dirigeait à la fois du symphonique et du lyrique avec des saisons extrêmement chargées, comme on n'en voit plus nulle part d'ailleurs dans les maisons d'opéra et des maisons symphoniques. Et donc, ces symphonies reflètent un peu les mille facettes de son caractère, de sa nature. Et elles furent conçues durant les étés, durant les mois de repos, parce que, évidemment, pendant le reste de la saison, de la saison symphonique, il n'avait pas le temps de composer. Il était né en Bohême, d'une famille israélite de langue allemande. Il a étudié au Conservatoire de Vienne et il a mené donc une double carrière de compositeur et chef d'orchestre. Et il atteignit dans les deux domaines, il faut le dire, les plus hauts sommets. Plusieurs villes s'arrachèrent ses talentueux services de chef d'orchestre, notamment Prague, Leipzig, Budapest, Hambourg, avant que l'Opéra de Vienne ne lui confie le poste de directeur entre 1897 et 1907. Et cette carrière prestigieuse le conduisit dans le monde entier et quand même, bon, lui laissa un peu de temps pour écrire ses 10 symphonies, parfois purement instrumentales et parfois avec la voix et même le chœur. Et puis, il a composé aussi de nombreux leaders avec orchestre, les Kinder Toten Lieder, le Chant de la Terre, etc. Par la suite, de graves malheurs s'abattirent sur le musicien, parce que déjà, il y a eu les injures antisémites qui l'obligèrent à renoncer à l'opéra de Vienne. Il a dû quitter Vienne en raison du climat antisémite de l'époque, 1907. Et là, ensuite, il a eu des problèmes familiaux très graves, la perte de l'une de ses filles, et puis sa femme qui l'a quitté. Et il est mort en 1911, donc à Vienne, au lendemain d'une tournée épuisante aux États-Unis. Mort d'une maladie cardiaque incurable. Voici un peu de la première symphonie de Gustav Mahler, surnommée Titan. On écoute le début du deuxième mouvement avec le Budapest Festival Orchestra que dirige Ivan Fischer. Thank you. Un extrait de la première symphonie de Gustav Mahler, symphonie Titan avec le Budapest, festival orchestra que dirigeait Ivan Fischer. Et maintenant, une œuvre assez méconnue de Mozart, la messe solemnis, Missa solemnis, Köchel 139, Weissenos messe, la messe de l'orphelinat. Une œuvre composée par un Mozart de 12 ans. Peut-être, effectivement, s'est-il fait aider par papa Léopold pour certains passages. En tout cas, c'est une œuvre assez étonnante parce qu'on y retrouve déjà les marques de ce qui sera le Requiem plus tard. Donc quand même, c'est assez incroyable que Mozart avait déjà trouvé une espèce de style musical, sa maturité musicale à 12 ans. Enfin, vraiment une œuvre assez étonnante, qui a été assez peu enregistrée, mais qui a été très souvent défendue par le chef d'orchestre italien Claudio Abbado. On va écouter l'Agnus Dei avec donc la voix de Gundula Janowitz, Friederike von Stadt, Wislav Hochmann, Kurt Moll pour les solistes et l'orchestre de l'opéra, de l'Orchestre Philharmonique de Vienne, le chœur de l'opéra de Vienne sont donc dirigés par Claudio Abbado qui a laissé une version incroyable, très belle de cette œuvre méconnue de Mozart en 1976. Discothèque classique jusqu'à midi, le samedi et le dimanche. Bah, c'est un extrait de la Missa Solemnis Köchel 139 de Mozart, dite messe de l'orphelinat, avec le chœur d'État de Vienne, l'orchestre philharmonique direction de Vienne, direction Claudio Abbado. Et on va continuer avec un peu de Georg Friedrich Händel. Alors Händel, on connaît bien ses oratorios, on connaît bien ses opéras. Sa musique instrumentale est peut-être un peu moins jouée, encore que les concerti grossi sont très très souvent donnés par les ensembles baroques, mais quand même, par exemple, les sonates pour flûte et clavecin, ben on les entend assez peu finalement, et j'ai eu envie aujourd'hui de vous présenter l'une de ces sonates avec une des interprètes qui vont peut-être vous surprendre, à la flûte avec Michala Petri, ben ça n'a rien d'étonnant parce qu'elle a énormément enregistré ce répertoire et même d'autres. Et puis au clavecin, un jazzman bien connu, excellent pianiste d'ailleurs, virtuose parmi les meilleurs dans son domaine, c'est Keith Jarrett. Et on va le retrouver, Keith Jarrett, jouant du clavecin. Voici un extrait donc, d'une sonate pour flûte et clavecin de Jean-Sébastien Bach en la mineur, jouée par ses interprètes. Finale de la sonate en La de Georg Friedrich Händel pour flûte et clavecin, avec la flûte à bec de Michala Petri et au clavecin Keith Jarrett. On continue avec un peu d'Eric Satie. Alors l'an dernier, on a commémoré en 2025 le centenaire de la disparition d'Eric Satie, compositeur iconoclaste, il faut bien le dire, et qui s'est fait connaître surtout par son esprit justement un peu rebelle. Il s'éloigna des formes alors à la mode, donc pour imposer une musique aux contours assez épuré et regorgeant d'idées extravagantes, c'était un élève assez médiocre au Conservatoire de Paris, et pourtant dès 1884, il compose ses premières œuvres, principalement d'ailleurs pour le piano, les ogives, qu'est-ce qu'il a composé à l'époque, la sarabande, gymnopédie très connue, et donc il résidait à Montmartre, et là il a adopté une tenue, une allure un peu insolite, d'ailleurs il devenait à l'occasion pianiste de cabaret, il a eu une longue amitié avec Debussy qui s'est un peu mal terminée, mais enfin bon, ils ont été très longtemps amis. Et puis, il a été frappé de plusieurs crises mystiques. Éric Satie, il a adhéré à différentes sectes, l'Ordre de la Rose-Croix, l'Église métropolitaine d'art et de Jésus conducteur, qu'il créa et dont il devint le seul et unique membre. C'était quelqu'un qui avait un humour acerbe et parfois très méchant. Il avait été assez dur avec Maurice Ravel. Il lui avait dit « Vous avez refusé la Légion d'honneur, mais toute votre musique l'accepte ». C'est vraiment un mot très très méchant. Et en 1898, il a quitté Paris pour Arcueil, et là, il s'est installé jusqu'à sa mort dans une modeste chambre surnommée Notre-Dame des Bassesses. Et là, d'être traité d'amateur, il a repris des études musicales en 1905 avec Albert Roussel à la Schola Cantorum. Et bon, ce musicien un peu excentrique, mégalomane aussi, a connu du succès, surtout après la Première Guerre mondiale, lorsqu'il a fait Parade, qui avait donné lieu à un scandale en 1917, Parade écrit en collaboration avec Jean Cocteau et des décors de Picasso, littéralement propulsé sous les feux de la rampe avec cet ouvrage. Il a acquis dès lors une renommée sans précédent. On va écouter une pièce pour piano d'Éric Satie, Poudre d'or. C'est une valse de 1902, jouée au piano par Hakon Hotsbo. Thank you. Poudre d'or, valse d'Eric Satie, interprété par le pianiste norvégien Håkon Hodsbo. Et on va continuer avec un peu de d'Étienne Nicolas Méhul. C'est un compositeur français. Il est né en 1703 à Givet dans les Ardennes. Il est mort en 1817. Il a connu un succès considérable. Il s'était fait connaître très jeune parce qu'il avait fréquenté la cour. Il avait réussi à être introduit dans la cour du roi. Et puis, il a traversé la période révolutionnaire en s'engageant plus ou moins pour la Révolution. Il a fait partie de ceux qui ont créé le Conservatoire de Paris. Et il a composé une marche militaire française qui est très connue. C'est le chant du départ, qui aurait d'ailleurs pu servir d'hymne national en lieu et place de la Marseillaise. On a préféré la Marseillaise, mais le chant du départ aurait été possible. Et Étienne Nicolas Méhul, il a composé des symphonies. La première a particulièrement influencé Beethoven, qui l'a connu. Et si on écoute attentivement le final de cette première symphonie de Méhul, on peut déceler ici ou là le fameux pom-pom-pom-pom de la cinquième symphonie, qu'on a écouté la semaine dernière d'ailleurs. Et une œuvre que certainement Beethoven connaissait. Et d'ailleurs, Beethoven a souvent loué les qualités de compositeur d'Étienne Nicolas Méhul. Voici le final de cette première symphonie, interprétée par l'Orchestre Philharmonique Rhénan, dirigé par Jorge Rotter. Thank you. Ah, c'est de la bonne musique, hein, je trouve. Hein. Le final allegro agitato de la symphonie numéro 1 d'Étienne-Nicolas Méhul avec l'orchestre philharmonique rhénan que dirigeait Jörg Ritter. On comprend pourquoi Beethoven s'est intéressé de près à ce compositeur français. Allez, juste pour le plaisir, comme on dit, l'air de la Reine de la Nuit, bien entendu, tiré de la flûte enchantée de Mozart. De la Reine de la Nuit, de la flûte enchantée de Mozart, avec Patricia Petitbon, soprano, magnifique, hein, et puis le concerto Köln, dirigé par Daniel Harding. Et on va terminer l'émission avec les dernières mesures de la première symphonie Titan de Gustav Mahler, Budapest Festival Orchestra, dirigé par Ivan Fischer. Thank you. Conclusion de la première symphonie Titan de Gustav Mahler avec le Budapest Festival Orchestra que dirigeait l'excellent Ivan Fischer, toujours vraiment très très bon dans ce répertoire. Tous les disques d'Ivan Fischer, d'ailleurs, sont recommandables dans quelques répertoires que ce soit. Allez, voilà, c'est terminé pour cette semaine. Donc, eh bien évidemment, on se retrouve la semaine prochaine à partir de 11h le samedi et le dimanche sur Radio Fadjet pour Discothèque Classique. Excellent dimanche à toutes et à tous et à très très bientôt, j'espère.